Si j'ai mis en ligne des exposés pour parler d'une fosse pré-Bernard de Montréal, c'est pas pour rien. On voit avec Madame Sergery qu'il y a déjà un milieu qui a possiblement eu des contacts avec lui quand il n'y était pas connu, avant là, le milieu des années 70. L'époque là où Bernard y revient du Nouveau-Mexique, par exemple, avant, c'est une époque d'ébullition dans ces milieux-là. Madame de Sergery elle semble liée beaucoup à la tradition occidentale, mais c'est ignoré qu'il y a le guénonisme qui est passé par là en Belgique où tu es allé étudier, puis en Europe où elle s'est promenée. Tu sais, pour faire le pont, Guénon, là, il y avait une volonté de syncrétisme universel utopique, tant qu'à moi. Dans le vocabulaire de Bernard, il y a des termes propres à la cosmogonie d'Urantia, mais aussi des termes liés à la théosophie, comme par exemple les affaires de corps éthérique, entre autres. Il y a des termes clairement issus de l'anthroposophie de Steiner, comme quand il parle de force arhiménienne, même des termes plus liés à la tradition occidentale, comme mental supérieur, que même on peut rapprocher de la pensée classique antique. Bernard, il y a aussi chez lui de l'oriental pour occidental, je dirais, avec Sri Aurobindo, le supramental, etc. Bernard, il dit qu'il est un initié, qui canalise. Mais dans les faits, des influences sont visibles. La notion d'initié dans l'ésotérisme occidental, c'est encore influencé par des écrivains du 19e siècle comme Oswald Wirth. L'histoire de Ram, son bâton à sept nœuds, c'est des allégories, c'est du folklore. Mais c'est parce qu'au niveau occidental, un initié, oui, ça peut être une notion d'avatar comme en Inde, mais ça va pas jusqu'à la même affaire parce que là, il est question de quelqu'un au niveau réellement social. C'est pas une incarnation divine totale, mais un initié, c'est quelqu'un comme qui s'incarne pour faire un travail dans leur vision. Un travail de transformation sociale ou civilisationnelle. Les notions, par exemple, de fin éthique, Melchisedec, Melchisedec, le roi de justice, hein? L'avènement du royaume de Melchizedek, ça vient de Guénon, ça. Des fois, chez ses continuateurs à Bernard, on trouve d'autres influences, parce que bon, c'est pas la même époque que t'as fait de Bernard, ils ont pas eu les mêmes influences que t'as fait. Fait que des fois, il y a d'autres influences, exemple comme des affaires liées au spiritisme, mais pas le spiritisme genre les sœurs Fox puis Allan Kardec, plus le spiritisme à gogo, genre fin des années 70, les années 80. Des fois, il y a de l'influence de la scientologie, des affaires qui avaient été reprises par la scientologie, comme les engrammes, des affaires que la scientologie elle-même, l'autre, qui a repris ça des psychologues allemands, de notre courant. Finalement, cette bouillie hétéroclite-là, habituellement, sert à transporter une sorte de messianisme de race nouvelle. C'est comme Berger Powell, le matin des magiciens, là, il y a un paragraphe, là, rêverie sur les mutants. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que je me pensais fin, qu'à m'entendre, là, même Bernard m'était inférieur. Ouais, mais là n'est pas la question. Quand Bernard, là, il sort de ses influences, de ses spécialités, disons, il commet des erreurs grossières. Comme quand il dit que les Chinois ont découvert les points et les méridiens en sortant de leur corps, c'est parce qu'il sait pas qu'il y a une tradition, qu'il y a des écrits, que, tu sais, bon, il y a même des affaires là-dedans que c'est assez terrible. Il y a eu des expériences sur des animaux, des prisonniers dans l'histoire de la médecine chinoise au niveau de ces affaires-là. Quand Bernard parle de Joseph Smith, par exemple, le fondateur du mormonisme, il en parle réellement comme un contacté par un ange, l'ange Moroni. Moi, je vous parle de choses qui ont existé, là, comme ces gens-là. Puis ce qu'il a dit, c'est pas. Je m'excuse, mais c'est lui qui amène ces termes-là. Puis moi, je fais juste vous les remettre en contexte d'où ça vient. Puis comment que on peut comprendre aussi que Bernard, dans le fond, il est le produit d'un contexte aussi, puis d'une époque. Je n'ai pas la prétention d'être un initié. Donc, s'il vous plaît, insultez-moi pas en me comparant à quelqu'un qui a osé dire ça, qui a osé prétendre ça.